Chapitre 15. Mina d'Harville à Angéline de Montbrun. Chère sœur, permettez-moi de commencer comme vous finissez. Hélas, j'ai commis l'imprudence de laisser lire votre lettre à Maurice, et il a perdu le peu de raison qui lui restait. Ma chère, vous m'amusez beaucoup en me recommandant à ses soins. Si vous saviez dans quel oubli un amoureux tient toutes les choses de la terre. J'en suis réduite à m'occuper de lui comme un enfant. Il paraît qu'en extase, on n'a besoin de rien. Cependant, je persiste à lui faire prendre un bouillon de temps à autre. Ma cousine, inquiète, voulait le faire soigner. Mais il s'est défendu en chantant sotto voce. « Ah, gardez-vous de me guérir, j'aime mon mal, j'en veux mourir. » Le docteur consulté a répondu « Il a bu du haschich. Laissez-le tranquille. » Ma cousine n'a pas demandé d'explication, mais je vois bien qu'elle n'est pas sûre d'avoir compris. Le langage figuré n'est pas son genre. Je prie votre sagesse de ne pas s'alarmer. Maurice a une nature d'artiste, et il est dans toute l'effervescence de la jeunesse. Mais ça se calmera. Et quand ça ne se calmerait point, la puissance de sentir n'est pas tout à fait ce qui effraie une femme. D'ailleurs, il a une foi vive et le vrai sentiment de l'honneur. Vous êtes fait pour vous aimer, et vous serez heureux ensemble. Quand il pleurerait d'admiration devant la belle nature, ou même de tendresse pour vous, qu'est-ce que ça fait? Laissons dire les positifs. J'ai vu de près le bonheur de raison, et entre nous, ça ressemble terriblement à une vie qui se soutient par des remèdes. Je sais que le mot d'exaltation est vite prononcé par certaines gens. Angéline, êtes-vous comme moi? Il existe sur la terre un affreux petit bon sens horriblement raide, exécrablement étroit, que je ne puis rencontrer sans éprouver l'envie de faire quelque grosse folie. Non que je haïsse le bon sens, ce serait un triste travers. De tous les hommes que je connais, votre père est le plus sensé, et je suis suffisamment charitable à son endroit. Le vrai bon sens n'exclut aucune grandeur. Régler et rapetisser sont deux choses bien différentes. Quelle est donc, je vous prie, cette prétendue sagesse qui n'admet que le terne et le tiède, et dont la main sèche et froide voudrait étendre tout ce qui brille, tout ce qui brûle? Ma belle fleur des champs, que vous êtes heureuse d'avoir peu vu le monde. Si c'était à refaire, je choisirais de ne pas le voir du tout, pour garder mes candeurs et mes ignorances. Voilà où j'en suis après 2 ans de vie mondaine. Jugez de ce que dirait Madame D, si elle voulait parler. J'ai eu des succès. Veuillez croire que je le dis sans trop de vanité. Vous savez que Génie de Guérin n'a jamais été recherché. Il y a là matière à réflexion pour Mina d'Harville et son cercle d'admirateurs. Pauvres hommes, partout les mêmes. Cher ami, Monsieur de Montbrun me juge mal. Je ne demande qu'à me démondaniser. J'avais résolu d'arriver chez vous avec une simple valise, comme il convient à une âme élevée qui voyage. Mais on sait rarement ce qu'on veut et jamais ce qu'on voudra. J'ai fini par prendre tous mes chiffons. Vraiment, je n'y comprends rien. Et devant mes malles pleines et mes tiroirs vides, je me surprends à rêver. Ma belle, il faudra que vous m'aidiez à passer quelques-unes de mes malles en contrebande. Je crains le sourire de Monsieur de Montbrun. Au fond, quel mal y a-t-il à vouloir se bien mettre pourvu qu'on ait du goût? Si Mademoiselle de Montbrun est indifférente à la parure, qu'est-ce qu'en étudiant sa ressemblance, elle s'est aperçue qu'elle pouvait parfaitement s'en passer? Moi, je ne sais pas me donner ce luxe. Voilà, et dites à monsieur votre père que je n'aurais pas été une semaine à Valrian sans lui découvrir bien des défauts. S'envisage sans effroi une petite causerie avec lui, quoiqu'il ait parfois des mots durs. Ainsi, l'hiver dernier, dans une heure d'épanchement, je lui avouais que j'étais bien malheureuse, que je n'avais pas le temps d'aimer quelqu'un, qu'aussitôt j'en préférais un autre. Et au lieu de me plaindre, cet austère confesseur m'appela « dangereuse coquette ». N'importe, ma chère, je ne vous blâme pas de l'aimer. Et même il m'arrive de dire que c'est une belle chose d'être obligé à ce devoir. Si vous m'en croyez, nous réfléchirons avant de faire abdiquer Madame Monique. Monsieur de Montbrun vous croit la perle des ménagères, mais telle brille au second rang qui éclipse au premier. Pourtant je hais l'usurpation. Je suis légitimiste. Dites à Monsieur de Montbrun que nous allons aviser ensemble à donner un roi à la France. Ma chère, je suis sûr que ma chambre me plaira. Seulement, je n'aime pas la nature riante. Il me faudrait une allée bordée de sapins pour mes méditations. Quant à Maurice, je crois qu'il n'en a pas besoin, et sa pensée m'a l'air de s'en aller souvent, tout au bout d'un jardin, tout au bord d'un étang. Ne rougissez pas, ma très belle, je vous embrasse comme je vous aime.